Beng nana giba yo, mao la galeba lola America, mao y galeba y Camerú, awanda se muy gavale, koya y la ve pagi, me queda huelo y ande, si su yemelo ma cosa, malia todo ma cosa, si temblo de cusi, a lo viento de fule, si su yemelo la sico, malia todo la sico. Amour sur la playlist, juste pour te défouler. Désormais sans souci, on va danser comme ça. Un peu de musique à ma façon, tout ça. Un sourire, et je vois que tu es un mot. Et maintenant, maintenant c'est parti pour trop longtemps. Si tu aimes la ma consa, ma lia te donne ma consa. Si tu aimes le vicoutsi, alors viens te défouler. Camerun sur la playlist, juste pour te défouler. Dans les rythmes de chez nous, nous pas des dansons authentiques. Du genre aux danses, y en a trop, tu veux des preuves, regarde, écoute, ça c'est l'Afrique. Makosa, Bikutsi, Asiko, Bensikin, Eyekan. On fait des envieux par notre culture, suffit d'arriver pour être enchanté. Écoute, à travers les ondes, nos musiques inondent, offrant en groove unique la quête des sens. Expanica dans la rue, Expanica dans la rue, on explose tout. Ce soir c'est la totale, on va bouger négro, rayo c'est ton moral. Mami rayo qui galitele, linguang jesembor yes biso bomeraria. Y vale un emle y un besivo, panigando, que le blosa galogando daringo. Camerun sur la playlist, juste pour te défouler.